www.como.it. En ce qui concerne les services de la toxicomanie, ce service public traite des problèmes d'alcool, de drogue, le tabac, le jeu de hasard et d'autres comportements de dépendance pathologique. L'accès au service est gratuit et simple. Même les étrangers sans permis de séjour ont droit à ces services. Pour accéder au CERT, il n'est pas nécessaire d'avoir une prescription du médecin. Il est suffisant d'avoir un document d'identité de la carte de santé. Pour les étrangers sans permis de séjour, il suffit la STP, étranger temporairement présent. S'il n'est pas encore actif, elle sera délivrée directement de la part de CERT.ti. En CERT.ti, assurez le plein respect de la vie privée, c'est-à-dire votre information sur la santé ne peut être divulguée ou rapportée à d'autres institutions. Vous trouverez des médecins, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs avec vous qui vont chercher à évaluer le problème et de trouver le traitement le plus approprié. À partir de l'acceptation, il y aura un programme pour toutes les réunions ultérieures et nécessaire pour faire un diagnostic et activer les interventions du traitement. Pour trouver les adresses et les horaires d'ouverture du CERT, visitez le site web de l'ASL www.asl.como.it. L'assistance garantie aux étrangers. Pour accéder aux services de santé, les étrangers résidant légalement en Italie doivent s'inscrire au service sanitaire national ou avoir une couverture d'assurance sanitaire privée. Pour vous inscrire au système de santé, il faut s'apporter au guichet de choix ou de révocation des districts de l'ASL de Com, où vous pouvez choisir votre médecin ou votre pédiatre. Successivement à l'inscription sera délivrée la carte sanitaire régionale des services. Pour trouver les adresses et les horaires d'accès au guichet, visitez le site de l'ASL www.asl.como.it. Si les étrangers ne sont pas légalement résidents, ils peuvent également obtenir un traitement d'urgence ou essentiel pour l'attribution de la STP, immigré temporairement présent, qui peut être libéré du service des urgences des hôpitaux et des autres installations de fourniture d'un traitement médical, assistance sanitaire à l'étranger. Les étrangers qui rentrent au pays d'origine pour les vacances ou pour des raisons de santé peuvent facilement contracter des maladies dangereuses, y compris les immigrants à s'adapter à l'Italie et peuvent tomber malades plus souvent que leurs parents. Il est utile avant le départ de demander une réunion avec le bureau médical de l'ASL international afin de savoir pour quelle maladie. Il est conseillé d'adopter un système de prévention. Pour trouver les adresses et les horaires d'accès aux dispensaires, visitez le site de l'ASL www.asl.como.it. Centre de planification familiale. Le centre de planification familiale est un service qui offre un accueil personnalisé et des conseils spécialisés sur la sexualité, la contraception, la grossesse et le parcours de la naissance, l'interruption volontaire de grossesse, la ménopause, la prévention du cancer du col de l'utérus et du sein. Il offre également un soutien psychologique et social de l'individu, les relations du couple familial, l'adolescence et la jeunesse. Pour accéder, il n'est pas nécessaire d'avoir une prescription de votre médecin. Il suffit de porter la carte sanitaire pour trouver les adresses et les heures d'accès au service. Visitez le site ASL www.asl.como.it. Les femmes étrangères qui sont enceintes et qui ne sont pas légalement résidentes peuvent également obtenir des soins médicaux gratuits offerts par le dispensaire et l'hôpital pour assurer un propre bébé une bonne santé. Le certificat de la grossesse fournit un permis de séjour temporaire pour la durée de la grossesse et jusqu'à 6 mois après l'accouchement. Dans l'hôpital. L'hospitalisation est fournie par votre médecin si vous en avez vraiment besoin. L'organisation de l'hôpital s'efforce de s'assurer que les patients passent leur journée à l'hôpital dans un état aussi proche que possible au rythme de la vie quotidienne. Dans un endroit propre et confortable, il garantit également une alimentation quotidienne compatible avec l'état clinique de chaque patient et possible le respect de leurs croyances religieuses. Quels sont les documents nécessaires pour l'admission? Document d'identification, carte d'identité ou passeport, carte d'assurance santé ou police d'assurance, permis de séjour ou SPP pour les étrangers temporairement présents dans le pays non UE. Contester le médecin ou un spécialiste. Ce qu'il faut apporter, strictement nécessaire, effets personnels tels qu'une brosse à dents, dentifrice, savon, déodorant, des sous-vêtements, peignoirs, pantoufles, serviettes, etc. Tous les tests sanguins, des tests de diagnostic et les dossiers médicaux d'hospitalisation intérieure. Tous les médicaments pris régulièrement à ne pas apporter, objets de valeur et de grosses sommes d'argent. S'il vous plaît, notez que la gestion de l'hôpital n'est pas responsable en cas de vol ou de manque d'argent ou d'objets personnels laissés sans surveillance. Dans l'hôpital, l'urgence. Tous les cas graves et urgents, par exemple un accident, une malaise, un imprévu, vous pouvez rejoindre l'urgence. Le 118 est le numéro de téléphone auquel vous pouvez demander une ambulance qui vient pour vous accompagner la personne malade. L'urgence et le 118, ce sont des services gratuits et actifs 24 heures sur 24. L'accès à l'urgence est libre ou bien avec la prescription du médecin. Les personnes subissent une visite sur la base de priorité clinique. Chaque patient recevra un code blanc, vert, jaune ou rouge qui correspond à la gravité de sa situation. Quel que soit l'ordre de présentation, les cas plus graves ont la précédence. Les soins d'urgence sont gratuits. Il vous sera demandé de payer un billet que pour l'exercice qui a été codé en blanc dans le cas reconnu comme non urgent. L'invalidité civile peut être reconnue comme des citoyens malades souffrant d'un handicap, handicap physique, mental ou sensoriel et congénital en appui. Les ressortissants étrangers en possession d'un permis de séjour valide ou une carte de séjour qui vivent dans la province de Caen peuvent présenter une demande d'invalidité civile, aveuglement et handicap. La demande doit être présentée à l'IPS uniquement sur Internet. Consultez les modalités sur le site www.ips.it, section soutien aux personnes handicapées. Selon le degré et le type de handicap, à l'âge et le revenu du demandeur, ils sont prévus plusieurs bénéfices à la fois économiques et sociaux. La reconnaissance de l'invalidité pour les titulaires de permis de séjour d'au moins un an vous donnera seulement à des avantages non économiques tels que l'exonération du ticket, la fourniture du prothèse et des aides et toutes les facilités prouvées par la loi. Je me sens mal, où est-ce que je peux trouver un médecin? Si vous avez un permis de séjour, le médecin généraliste et le pédiatre pour les enfants sont à votre disposition 5 jours par semaine. Si nécessaire, votre médecin peut envisager de venir vous rendre visite à la maison. Chaque médecin a son propre calendrier pour les consultations externes et un numéro de téléphone pour les appels d'urgence. Votre médecin effectuera une visite gratuite. Lorsque vous avez besoin d'un spécialiste, votre médecin rédige une demande sur une ordonnance rouge. Avec la carte de la santé, vous pouvez prendre rendez-vous pour la visite chez un spécialiste en contactant le numéro sans frais 800-638-638 du lundi au samedi de 8h à 20h. Pour les visites de spécialistes, tous les citoyens sont tenus de participer à des coûts de soins de santé en payant un ticket. Dans certains cas, les patients ne paient pas pour la raison de l'âge, le revenu ou de la maladie. Dans ce cas, doit être libérée la carte par le guichet de l'asile. Le service assure la continuité des soins et ou des soins médicaux d'urgence médicale d'un médecin pour les cas légers, la nuit et le dimanche et les jours fériés. Avec la carte de santé, on peut joindre le dispensaire tous les soirs de 20h à 8h le lendemain matin. Les jours fériés et veilles de fête à tout moment. Vous pouvez parler au 840-000-661, coup d'appel en euros, 0,075 plus TVA. Nous devons aller à l'urgence que dans les cas graves et urgents. Par exemple, un accident, une malaise à l'imprévu, en particulier les enfants et les personnes âgées. Le 118 est le numéro de téléphone et vous pouvez demander une ambulance qui vient pour accompagner la personne malade. L'hôpital et le 118 sont des services gratuits. Qui n'est pas en condition grave, le col blanc, sera visité pour dernier en payant un ticket.